Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Qu'on le veuille ou non, jouer est avant tout une activité de distraction et se pratique généralement sur des temps de loisirs. Cependant, il faut bien reconnaître que dans un monde qui change, les frontières deviennent parfois poreuses et le jeu, sous une forme ou sous une autre, entre progressivement dans le monde professionnel. Serious game, ludification, activité de team building, il est aujourd'hui assez courant de faire référence à des pratiques ludiques au sein même du monde du travail. Alors, il y a évidemment des avantages et des limites à cette approche, et c'est à ces questions que nous allons nous attaquer aujourd'hui dans Ludologie, parce qu'au fond, faire de son emploi un terrain de jeu, est-ce bien raisonnable ? Pour évoquer ce sujet, je suis, comme pour chaque numéro de Ludologie, en compagnie d'Adrien. Adrien, qui je vais passer le micro, qui va pouvoir présenter nos deux invités du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie. Tu as oublié de te présenter, Manuel. Et oui, donc pour ce nouvel épisode de Ludologie, effectivement, on va parler jeu et travail. Les deux sont-ils solubles dans le ludique ? On va le voir avec un invité qu'on a déjà eu, Bastien Kerspern, designer d'interaction. Il me corrigera si je me trompe, et aussi du coup membre de Casus Ludi. Casus Ludi, une petite boîte nantaise qui fait dans le news game et qui a été cofondée par notre autre invité du jour, Florent de Grissac, qui est donc cofondateur et patron de Casus Ludi. Peut-être tout d'abord pour commencer, avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet, vous demandez peut-être vos définitions à chacun du jeu et du travail, et comme quoi peut-être ils sont antinomiques ou pas. Alors qui veut commencer par cette question un petit peu épineuse pour commencer, je l'admets. Alors, on va commencer. Je sais pas. Alors pour préciser, je me sens pas particulièrement spécialiste de tous ces sujets-là. Mais effectivement, il se trouve que je travaille et dans le jeu, donc d'accord. Souhaite allons-y. Sur le principe, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, le travail, c'est globalement une activité qui permet de vivre financièrement. En tout cas, c'est la définition que j'en retiendrai globalement. Et le jeu, pour moi, c'est pas une activité ou pas seulement, c'est au-delà de ça, c'est un média en fait. Donc, c'est pas antinomique d'utiliser un média, quel qu'il soit, dans une activité qui est censée nous permettre de vivre. Dans vos pratiques, puisque vous deux développez des jeux via Casus Ludi qui sont plutôt des news games, mais vous avez aussi été amené à travailler avec des entreprises. C'est quoi le discours d'une entreprise qui vient voir une boîte ou qui commence à discuter, à travailler avec une boîte qui fabrique des jeux en disant on voudrait mettre du jeu dans nos pratiques. Qu'est-ce que c'est la motivation qu'il peut y avoir derrière ? Je pense qu'on est aujourd'hui, pas mal d'entreprises sont face à des murs, et notamment des murs lorsque tout ça touche à l'innovation, dans le sens où ils sont amenés à renouveler leurs pratiques, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Et il y a une espèce de poids qui pèse sur leur épaule de se dire on va renouveler nos pratiques, on va faire l'innovation, on va essayer d'assurer notre pérennité face aux concurrents qui peuvent poindre. Mais en même temps, ils ont une injonction de la part de leurs collaborateurs ou de la part de leurs employés qui sont « Ok, on veut bien aider l'entreprise à évoluer, on veut bien aider à se développer, mais bon, on veut pas faire ça non plus à nos dépens. » Donc il y a un petit côté, on aimerait bien s'investir, on aimerait bien trouver un sens dans ce qu'on fait. Et une des particularités du jeu, c'est que très tôt, lorsque un humain devient humain, entre guillemets, il commence à le faire, il commence à se développer par le jeu. Donc c'est quelqu'un, enfin du moins une activité qu'on a tous connue, qui nous a tous permis à un moment ou à un autre de nous épanouir dans notre développement personnel, même si on a eu tendance à l'oublier parce que on peut estimer que le jeu ne paraît pas forcément une activité sérieuse. Pour autant, c'est des attentes, mine de rien, sous-jacentes qui restent auprès des collaborateurs d'une entreprise. Et vu que les entreprises sont à peu près prêtes à tout, on va dire, pour innover, parfois le jeu peut paraître une espèce de solution miracle, qui n'est pas forcément, mais au moins une piste intéressante à explorer à ce niveau-là. En fait, je dirais qu'il y a, quand même plusieurs cas, et ça a évolué ces dernières années. Initialement, il y a eu une espèce de vogue, entre guillemets, du challenge game, ou en tout cas, une tentative de vogue du challenge game. Et les entreprises qui venaient sur ces sujets-là, ils venaient pour, soit parce qu'ils étaient dans des secteurs ou enfin, dans une mouvance assez innovante en interne et en communication, et puis ils avaient envie d'essayer des trucs, soit parce que c'était justement aussi l'occasion de faire parler d'eux, c'est-à-dire que le côté j'utilise le jeu, c'est super novateur, c'est trop cool, voilà. Et pas forcément avec donc du coup une vraie vision de ce qu'ils peuvent faire. Alors qu'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les entreprises qui s'intéressent aux médias jeux pour adresser des problématiques de leur activité savent ce qu'elles recherchent. Elles recherchent des qualités au jeu qui sont spécifiques au jeu. Recherche soit une capacité à l'immersion, à la simulation, qui est utilisée depuis très longtemps dans le domaine du jeu et dans le domaine du serious game, soit elles vont chercher quelque chose qui va permettre l'empathie et donc éventuellement la sympathie entre les apprenants, si on est dans la formation, soit qui va permettre justement des nouveaux modes d'apprentissage qui sont plus adaptés que les formations classiques. Et aussi sans doute mieux perçu parfois par les nouveaux types de salariés qui arrivent dans l'entreprise. Donc ouais, je pense que ça a évolué en fait. Les entreprises autrefois voyaient plus le jeu comme soit un coup d'éclat, soit un truc innovant que ça fait bien de tenter. Et maintenant, elles le voient vraiment comme un outil à part entière. Justement, je vais reprendre un peu la balle au bon, puisque il me semble que tu as travaillé en tant que chef de projet, de consultant chez Gulfstream Communication, et tu as fait aussi du serious game chez Succulus Interactive, si mes notes sont bonnes. Et justement, au sein du travail, est-ce que justement le jeu n'est pas... Est-ce que c'est un document de communication de travail type un PDF, ou est-ce que c'est autre chose justement, et quels sont les avantages par exemple d'un serious game pour apprendre, je sais pas, à faire telle ou telle tâche par rapport à un bon vieux tuto en papier? Oui, ça c'est assez simple. Effectivement, le jeu est très utilisé pour la formation. Il me semble d'ailleurs qu'il a beaucoup été utilisé en premier dans les domaines des RH. Parce que ça permet des choses qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place en termes de formation. Habituellement, il faut faire du jeu de rôle, des trucs comme ça, quand on veut se former à la conduite d'entretien, des trucs comme ça. Et c'est des choses qu'on peut partiellement simuler en faisant du jeu. Et du coup, oui, le jeu comme média d'apprentissage, alors comme le rappelait Bastien tout à l'heure, de toute façon, on est fondamentalement adapté. Dans la mesure où le jeu, c'est ce qui permet aux êtres humains et à beaucoup d'espèces animales d'apprendre. C'est-à-dire que on est câblé pour apprendre par le jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu, c'est tester une situation et c'est progresser dans sa façon de gérer une situation dans des conditions de simulation. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose sans prendre le risque qu'il y a à échouer, et donc on apprend. Sans brûler les ailes. Donc ça, on est câblé pour ça. Donc, le jeu, pour l'apprentissage, c'est très adapté. Et après, pourquoi c'est mieux que de lire une doc dans un PDF? Je pense que tout le monde se fera l'idée assez facilement. C'est que souvent, l'apprentissage, ça peut être long, fastidieux, avec des formats pas forcément pratiques et surtout interactifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se contenter d'emmagasiner du savoir sans questionner, sans interagir, sans tester, c'est beaucoup moins stimulant et facile que d'emmagasiner du savoir en étant actif, en pouvant tester des trucs, voilà. Et puis, à côté, effectivement, d'une part attrayant du jeu, c'est-à-dire que, oui, on va pas être derrière un document à essayer de comprendre ce qui se passe, on va interagir, on va avoir des possibilités de tester les situations sous tous leurs angles, et puis, il y a un côté un peu sympa, effectivement, quand même, qui va avec le jeu, même si je pense que la plupart des serious games, entre guillemets, enfin, des serious games qui servent pour l'apprentissage, comme je disais tout à l'heure, la conduite d'entretien en RH ou pour la manipulation de tel ou tel outil technique dans l'industrie, sont pas hyper drôles. C'est-à-dire que le format est pas intéressant parce qu'il est drôle, il est intéressant parce qu'il est pratique, parce qu'il permet vraiment de simuler au plus près la situation et que du coup on est vraiment dans la notion de je teste en situation fictive pour pouvoir être meilleur après en situation réelle. Et ça, un PDF, ça ne fait pas hyper bien. Pardon, on a eu une petite coupure. On a donc pas eu l'occasion d'entendre la fin de la réponse, mais ça ne va pas m'empêcher quand même de relancer sur une nouvelle question, puisque les éléments que tu soulevais dans ta réponse, moi, m'apportaient pas mal de questions, notamment sur cette idée de notion de plaisir. Effectivement, dans le jeu, il y a aussi l'idée, par des circuits quelque part de récompense assez courts, d'avoir un plaisir immédiat à la mise en œuvre des savoirs qu'on est en train d'acquérir. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence entre l'acquisition de savoirs dans un cours, dans un document, et l'acquisition de savoirs dans un jeu ? Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose et pour du serious game et quelque part aussi pour les news games, où le fait de tester ses connaissances et sa progression dans les connaissances est aussi un facteur qui pousse à aller plus loin, non ? Oui, en fait, enfin, au-delà de la notion de plaisir, c'est juste le fait d'avoir un feedback, en fait. Le principe du jeu, donc le principe de l'interaction que permet le jeu comme média, c'est beaucoup plus stimulant, effectivement, que d'emmagasiner, encore une fois, des connaissances sans savoir si on a bon, sans savoir si on a bien compris, etc. Et oui, il y a cette notion de boucle de feedback un peu courte, ce qui fait qu'on a des... Alors, on parle de récompense, mais de satisfaction, mais c'est surtout, on a une visualisation de comment on avance dans l'apprentissage, dans la progression du jeu, etc. Et c'est ce feedback-là qui est important, en fait. Au-delà de la notion de plaisir, c'est uniquement c'est plus la notion de contrôle et de compréhension, à mon avis, qui fonctionne à ce niveau-là. Et il y a aussi, oui, la satisfaction. Bah, de toute façon, on est câblé un peu pour ça. Remplir des jauges, ça fonctionne comme mécanique. Donc, effectivement, les bases des trucs gamifiés, des cours gamifiés, tout comme ça, sont à base de remplir des jauges de degré de complétion de telle ou telle leçon, tout comme ça. Donc, ça, c'est vraiment les trucs les plus basiques. Mais effectivement, ça a quand même un impact, le fait de voir qu'on avance. Mais toujours, enfin, c'est toujours basé sur cette notion de feedback, hein, qu'on n'a pas avec un document passif, avec un apprentissage absorbé dans un seul sens, quoi, et l'interaction permet ce feedback. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Je crois que la notion de réemploi est pas mal exploitée aussi, dans le sens où le fait d'avoir une notion qui nous est amenée d'un point de vue un peu théorique, ou une information qui nous est amenée d'un point de vue théorique, en premier lieu, et entre guillemets dans la minute qui suit, on le réexploite dans une situation, une simulation qui nous amène à employer les connaissances qu'on vient tout juste de nous amener. Bah voilà, il y a une espèce de passage de la théorie à la pratique qui est notamment permis par le jeu. Alors je parle du jeu, je veux aussi du jeu au sens plus large, hein. On pourrait parler de jeu de rôle, on pourrait parler de jeu de créativité ou autre, qui fait que pas uniquement sur un plan qui est, encore une fois, celui de la théorie, celui de la connaissance informel, mais on passe à la pratique, on passe à l'expérimentation, et rien de mieux que l'expérimentation que pour s'approprier une notion, ou du moins l'adapter, la tailler sur mesure par rapport à nos attentes, et aussi par rapport à nos connaissances ou notre culture. Je vais rebondir sur un point qu'a évoqué un peu en filigrane Florent. C'est au point de vue management, en fait, parce que maintenant, on est de plus en plus dans des processus projets avec des objectifs à très court terme. Voilà, à la fin de la semaine, on doit remplir ça, etc. Qui rappelle d'ailleurs en game design ce qu'on appelle les boucles de gameplay. C'est micro-tâches. Par exemple, ça peut être tuer un monstre, donc ça va être une boucle de gameplay, après faire telle quête est une boucle de gameplay, et ainsi de suite, et on arrive jusqu'à tout le jeu au final. Et ce qui me pose la question, ces petits processus projets, ces petits projets qu'on mène au sein de l'entreprise, est-ce que c'est pas déjà du jeu? Et ce qui me pose la question, en fait, pourquoi amener du serious game quand le travail est déjà un jeu? Alors, en fait, d'ailleurs, la vie est un jeu. Il y a une boucle de gameplay, tu dois manger plusieurs fois dans la journée, tu répètes, dormir, etc. Globalement, c'est juste que le jeu est un média particulièrement adapté à recréer des environnements comme ça, y compris des environnements de tâches à réaliser, etc. Mais c'est pas et ça veut pas dire que la vie ou que les projets tels qu'ils sont construits dans le travail, etc., sont ludiques parce qu'ils ont cette formule là. Je pense que c'est deux choses très différentes. Dans le jeu, il y a justement une des caractéristiques du jeu, c'est de ne pas être le réel. Donc tu peux pas dire que le fait que les projets soient découpés en micro tâches, etc., ça fait que c'est quasiment du jeu, que c'est pas la peine de faire d'intégrer le jeu à un moment donné. C'est deux choses qui sont complètement différentes. D'une part, le jeu ne vient pas, on vient pas gamifier les processus de travail, on vient plutôt gamifier certaines parties de ces processus, c'est-à-dire l'apprentissage, les nouvelles compétences, des choses comme ça, mais gamifier le travail lui-même, à mon sens, ce serait plus infantilisant qu'autre chose, et ça irait pas dans le sens de la production. Et le jeu, de l'autre côté, c'est vraiment ce qui fait que ça marche, c'est que ce n'est pas le réel, c'est qu'on n'est pas en train justement de travailler, on est en train de faire quelque chose qui est autre, qu'on n'est pas en train de prendre un risque, qu'on n'est pas en train de remplir un document qui va effectivement être envoyé à un client, qui va effectivement être jugé, etc. Même si un des intérêts du jeu, au-delà du fait de permettre d'apprendre plus facilement, parce que c'est souvent quand même, enfin, je pense que c'est quasiment exclusivement utilisé pour ça, pour la formation, enfin, en très grande partie, permet aussi, a quand même comme intérêt que les gens qui émettent le serious game, donc les gens qui apprennent, qui, les chefs d'entreprise, etc., qui mettent en place des serious games, ont aussi un feedback du jeu. Et donc, d'une part, le joueur, lui, il a un feedback de ce qu'il a fait dans le jeu, et il voit sa progression, etc., et il comprend ce qu'il fait. Et d'autre part, éventuellement, les gens qui mettent en place le jeu peuvent avoir des données, des informations comme le profil de compétences des gens, comme les problématiques ou les problèmes de leur métier qui posent le plus de soucis aux salariés ou des choses comme ça. Mais voilà, non, le jeu, c'est pas. Travailler, c'est pas un jeu, et le jeu ne vient pas. On ne peut pas transformer le travail en jeu. Le principe du jeu, justement, c'est ça, c'est la simulation. Et en même temps, est-ce que dans la gamification de certains processus, on n'est pas aussi dans le fait de dire aux salariés ou de faire que les salariés se disent si je joue cette tâche qui est de l'ordre de mon travail, bah c'est un peu moins du travail parce que naturellement, si je joue, j'associe ça à une pratique qui est plus une pratique de loisir. Alors, j'ai pas connaissance de processus réellement gamifié dans le travail, et je suis pas sûr que ce serait une bonne idée. D'une part, pour le problème d'infantilisation dont je parlais, et d'autre part, parce que la motivation d'une tâche, quelle qu'elle soit, et on l'apprend très rapidement quand on fait du jeu, on doit réussir à créer des motivations intrinsèques et non extrinsèques. C'est-à-dire que la motivation pour réaliser quelque chose, elle doit venir de soi. Ça doit pas être une carotte purement externe. Or, quand on fait de la gamification basique, c'est-à-dire gamifier par exemple des tâches, etc., et avoir des récompenses et des points, machin, tout ce qu'on fait, c'est générer une motivation extrinsèque. On sait très bien d'expérience que ça ne marche pas, ou ça marche, ça fait feu de paille, ça marche 5 minutes, et puis après, juste ça gâche. Donc, c'est clairement pas, à mon sens, une bonne pratique, une bonne idée. Je pense qu'il faut voir aussi le processus de gamification comme un système un peu, pour utiliser des gros mots, totalitaire, dans le sens où on est extérieur au système qu'on va approcher, on va lui édicter des règles, on va faire en sorte que les personnes qui interagissent dans ce système suivent ces règles pour gagner, pour entre guillemets avoir des bons points. Et à partir de ce moment-là, on sait que si, comme dit Florent, ils suivent la carotte, ils vont être prêts à tout pour gagner ces bons points. Donc on peut leur demander de faire tout et n'importe quoi en termes de comportement, et notamment de comportement de travail. Alors quand je dis tout et n'importe quoi, si on pousse vraiment dans les extrêmes, on peut aller à l'idée de dénoncer ses camarades de travail si ils remplissent pas leurs tâches, ou des choses un peu totalitaires comme ça. Mais en tant que game designer, vu qu'on édicte les règles qui ne sont pas forcément les règles d'entreprise, qui ne sont pas forcément des règles qui respectent la morale ou l'éthique, on peut totalement cadrer des comportements qui réagissent à des stimuli à court terme. Et en l'occurrence, je ne sais pas si on va vraiment s'inscrire dans une boucle vertueuse, puisque, bah, comme le disait Florent, on va être dans des choses qui vont être vraiment la carotte dans la minute qui suit, et non pas dans la responsabilisation des employés, ou vraiment dans une espèce d'épanouissement et de bienveillance autour de la tâche qui est d'accomplir. C'est ça, en fait, ça rejoint ma petite provocation de tout à l'heure sur le travail est un jeu, puisqu'au final, on se rend compte, justement, dans certaines tentatives de management, que le travail, c'est de prendre ces codes du jeu, que sont notamment les micro-récompenses, à travers des primes, etc. Il prend les codes du jeu pour faire travailler plus ou mieux selon les appréciations. Et ce qui pose du coup la question de ces dérives et de l'aliénation que va créer la gamification du travail, justement comment cela se gère, notamment lorsqu'on fait un serious game en entreprise, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement totalitaire, pour reprendre le mot de Bastien. Bah, encore une fois, je ne crois pas à la gamification du travail. Enfin, le serious game, c'est pas la gamification du travail. Le serious game, c'est un terme déjà extrêmement générique, qui est pas mal galvaudé, qui ne veut plus dire grand-chose, sinon d'utiliser les techniques et technologies du jeu à d'autres fins que le divertissement. Donc c'est effectivement ce que font beaucoup d'applications qui sont utilisées en entreprise, encore une fois, principalement pour la formation et éventuellement, nous on avait fait un projet, enfin on avait conçu un projet pour SNCF qui était pour l'intégration d'une certaine catégorie de nouveaux salariés. Et notre projet de jeu, ils gamifiaient pas leur travail, ils venaient s'intégrer dans le quotidien de leur travail. Et il leur permettait à travers le jeu, qui était quelque chose qu'ils faisaient en plus de leur travail, enfin en parallèle de leur travail, qui était intégré à leur tâche, mais c'était pas leur travail concrètement, et il leur donnait l'occasion de mieux s'intégrer dans l'entreprise en discutant avec des gens avec qui ils n'auraient pas discuté sinon parce qu'ils sont pas dans les mêmes équipes, parce qu'ils sont pas sur le même lieu, etc., et donc de partager des bonnes pratiques et de se rencontrer, etc. Et donc là, on n'est pas en train de dire qu'on va gamifier le travail, on utilise le jeu pour créer des contextes d'apprentissage et de contact entre les gens, mais on n'est pas allé faire un jeu qui vient en surcouche du travail pour le gamifier. Et ça, franchement, enfin, j'y crois pas. C'est fait un peu dans certains logiciels, notamment pour accompagner la prise en main, pour des choses comme ça. On utilise des technos et techniques du jeu vidéo pour améliorer l'ergonomie et la compréhension des process, mais encore une fois, on ne gamifie pas le travail, enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Dans les techniques du jeu, il y a notamment un élément qu'on retrouve beaucoup, qui est le scoring, appliqué dans le monde du travail, sur certains, même sur des modules de formation, hein. Est-ce que c'est pas des choses qui sont un peu risquées, dans la mesure où ça peut être aussi une façon de mettre en compétition, même bon enfant, les salariés? Alors, en même temps, on est sur quelque chose de très connu, on a tous vécu un système scolaire qui donnait des notes, hein. Le scoring, il est là depuis l'enfance. Après, oui, encore une fois, la gamification, ça a pas, enfin, c'est jamais qu'une panoplie d'outils. Le service game, c'est une, pareil, une période utility, c'est adapté à certaines choses, moins à d'autres. Il faut effectivement l'utiliser en réfléchissant bien à ce que ça, quel service ça rend et quel effet négatif ça peut avoir. Donc oui, ça dépend des contextes, hein, mais oui, si un score fait que les... Enfin, ceci des scoring, c'est un peu l'équivalent de l'employé du mois, quoi. C'est à quel moment ça motive les gens à essayer de faire mieux et à quel moment ça dessert la motivation globale parce que les gens voient qu'ils y sont pas, quoi. Je pense que c'est aussi une croyance assez affirmée dans la capacité du scoring à refléter la réalité, c'est-à-dire que on sait très bien en matière de jeu que le scoring peut être entre guillemets hacké ou peut être faussé si on a une capacité à entre guillemets retourner les règles du jeu pour soi, et à quel point on a la capacité lorsqu'on est employé de retourner les règles de l'entreprise pour soi. Et c'est pas forcément aussi évident de faire une analogie entre les deux. Il y a peut-être un côté un peu une transposition qui est un peu malvenue, parce que à quel moment le fait que je fasse un scoring dans l'entreprise est aussi pertinent que le fait de faire, je sais pas, maîtriser ce qu'on pourrait appeler un combo dans un jeu vidéo, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes, j'allais dire, compétences en termes d'exécution de tâches. Il y a énormément de choses qui passent à la trappe dans l'évaluation d'un scoring. Et comment est-ce que je peux, notamment comparer le scoring, je sais pas, d'une secrétaire qui s'occuperait, allez, faisons un peu dans la caricature, des ressources humaines dans une entreprise, au scoring d'un employé qui, lui, au contraire, est direction management du marketing, où il est à prendre des décisions sur la communication et l'image d'entreprise. Comment est-ce qu'on peut comparer le scoring, ou du moins le score des deux employés, entre guillemets, modèles, alors qu'ils n'ont pas du tout à accomplir le même type de tâche, ni à surmonter les mêmes difficultés. Donc ça, le problème du scoring aussi, c'est tout ce qui est entre guillemets autour du jeu, tout ce qui est l'environnement, tout ce qui est lors de la tâche, à quel moment on peut harmoniser ça, et à quel moment la compétence de l'employé à truquer les règles du jeu pour augmenter son score est quelque chose de bienvenu parce qu'il a été malin, ou quelque chose de malvenu parce qu'il a été dans... je sais pas, dans la triche ou dans le côté détournement des règles de l'entreprise. Ouais, au-delà de ça, c'est très compliqué de mettre un score en place, comme on dit Bastien. Et effectivement, un bon exemple, c'est de quoi est composé le score. Si le score est composé de la quantité d'heures que vous avez passées à votre bureau, bah, y a des gens qui peuvent y passer un temps infini et ne pas travailler. Donc, comment on gère ça? Et d'un autre côté, le scoring, il est déjà présent dans beaucoup de métiers. On les commerciaux qui ont des salaires variables sur des objectifs de vente, c'est exactement du scoring, surtout qu'en général c'est géré par équipe avec des comparaisons entre les gens, etc., les techniques et autres. Donc voilà, le scoring existe déjà. C'est, encore une fois, on a l'impression que les gens découvrent aujourd'hui l'utilisation du jeu dans les entreprises ou dans le travail. Or, c'est pas quelque chose de nouveau du tout, quoi. Et ça, l'utilisation du jeu dans le travail et dans les entreprises date de bien avant l'invention du mot gamification ou du service game. Je pense que si on regarde vraiment purement d'un point de vue jeu-joueur, vraiment jeu vidéo, si on regarde les stéréotypes ou du moins les archétypes des joueurs qui existent, il y a vraiment une catégorie de joueurs qui est la catégorie des compétiteurs, qui est une catégorie de joueurs qui est vraiment motivé par l'idée de surpasser l'autre, de faire le meilleur score, etc. Mais c'est qu'une catégorie de joueurs. C'est-à-dire, autrement dit, on a d'autres archétypes, d'autres comportements où les joueurs vont aller plutôt chercher vers l'exploration, vers la création de liens sociaux via le jeu, et ne pas être motivé uniquement par le fait de, entre guillemets, d'écraser son prochain. Donc, la logique même de compétition n'est pas à la base du jeu, est un des moteurs du jeu et va correspondre uniquement à une petite catégorie, enfin petite catégorie, du moins une catégorie qui n'est pas la catégorie majoritaire des joueurs. Et en soi, on peut se demander à quel point elle va refléter, ou du moins elle est pertinente pour être adressée à l'ensemble des employés. Je pense qu'on a bien défriché la partie, justement les erreurs de jugement quand on parle de jeu et de travail, en tout cas avec ces termes parfois effectivement galvaudés de gamification. Et on a pu aussi écarter les craintes d'aliénation par des systèmes empruntés au jeu. Je pense qu'on a pu démêler le vrai du faux là-dedans. J'aurais du coup un autre point à aborder, et on aurait peut-être dû commencer en premier d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est comment on dit aux gens et comment on les convainc, comment on convainc les gens au travail de dire « Allez, on joue ensemble ». Ce qui est quand même très particulier, ça paraît contre-intuitif. On a toujours cette image du travail, tripalium, la torture. Bah, encore une fois, il y a deux façons de jouer ensemble au travail. Il y a jouer ensemble au travail pour ce qu'on appelle le team meeting. Et là, on va faire un shoot sale tous ensemble, et ça marche très bien, je pense que les gens y vont. Et donc le jeu ensemble, le serious game, c'est-à-dire le jeu comme outil de travail, ben là du coup c'est pas compliqué, c'est que ça fait partie de leur tâche, c'est-à-dire que si un tel doit se former à telle ou telle nouvelle compétence et que l'outil c'est pas un dossier de 100 pages à lire, c'est un jeu dans lequel il doit franchir un certain nombre d'étapes, ben il le fera parce que c'est son travail. Donc je pense pas que ce soit une réelle complexité en fait d'amener les gens à faire ça. C'est juste éventuellement, et du coup là c'est aux entreprises, cas par cas, de bien réfléchir, mais ça dépend de la population qui est visée en fait, et du type de jeu, c'est-à-dire qu'effectivement on peut avoir des populations plus ou moins, acculturées au jeu, à la manipulation notamment de tout ce qui est informatique, et donc il y a peut-être des corps de métier dans lesquels pour l'instant c'est moins intéressant de faire du jeu sur ordinateur que de faire une formation classique en présentiel avec un carnet de notes, j'en sais rien. Mais voilà, la problématique de mettre les gens à jouer est pas très compliquée, d'autant qu'on n'appelle pas ça un jeu. C'est pas je vais aller jouer, c'est je vais aller faire le module de formation numéro 30, quoi. C'est pas je vais aller jouer, c'est je vais apprendre sur le simulateur à mettre cette pièce correctement dans la machine. C'est pas je vais aller jouer, c'est je vais m'entraîner pour être plus efficace sur cette tâche-là. Aujourd'hui, on est un peu dans une situation qui est un peu paradoxale parce qu'on quand on écoute les gens qui font la promotion d'innovation, que ce soit en interne dans l'entreprise ou vis-à-vis des utilisateurs ou du public, on a une sorte d'injonction au ludique, une injonction à jouer, une injonction à ce que ça soit intéressant, à ce que ça soit fun. Et du coup, le ludique est devenu quasiment un mot qui est un peu substituable à pas mal de notions, notamment la notion d'agréable, la notion de plaisir, et qui n'est pas forcément directement lié au jeu. Et dans le même temps, lorsqu'on amène les notions de jeu en entreprise, oulala, le jeu, c'est pas sérieux, oulala, le jeu, c'est de la détente, c'est voilà, comme tu disais, c'est pas quelque chose qui tiendrait, qui servirait à l'entreprise. Pour autant, on est de plus en plus face à des gens, si on les prend d'un point de vue humain et pas non plus que d'un point de vue travailleur, qui ont grandi avec une culture du jeu, ou au moins peut-être du jeu vidéo, qui sont nés avec, qui ont grandi avec, qui ont joué quand ils étaient adolescents, qui continuent de jouer aujourd'hui, même s'ils ne s'avèrent pas forcément joueurs, parce que ils estiment que faire une partie de Candy Crush pendant le métro, c'est pas jouer. Pour autant, on a des gens qui sont très acculturés, qui baignent dans une société qui a été nourrie un peu par le jeu. On trouve des codes du jeu dans la littérature, on trouve des codes du jeu dans les séries télé, dans les films en tant que tels. Donc on a des gens qui sont naturellement acculturés au jeu, donc c'est pas forcément un cap insurmontable à franchir. Au contraire, on va venir leur demander de se former, on va venir leur demander de progresser dans leur métier avec des codes externes à leur profession qu'ils maîtrisent déjà. En l'occurrence, le fait que le jeu soit déjà devenu un média assez commun dans la culture populaire. En fait, j'ai envie de dire, c'est le fait de dire comment on dit aux gens de jouer en entreprise, c'est un peu comme si on imaginait que dire aux gens de lire un rapport d'étude d'impact, parce que on travaille dans ce domaine-là, ça correspond à lui dire lis un roman. C'est à peu près aussi décalé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que le média elle-même, l'écriture, par exemple, est plein de pages à lire, que la tâche est la même, que le process va fonctionner de la même manière. C'est pareil pour le jeu. C'est pas quand on fait un jeu vidéo, on est effectivement en train de jouer et là on est dans le divertissement. Et quand on va utiliser un outil qui utilise les techniques et technologies du jeu dans le cadre du travail, on n'est juste pas en train de jouer, même si on est sur le même support. Cela dit, Florent, de ce que je comprends des propos que tenait Bastien juste avant, il y a quand même un effet générationnel de personnes qui sont déjà acculturées aux jeux vidéo, donc au-delà de la familiarité avec les éléments techniques, il y a aussi une habitude de pratique qui peut-être facilite l'appréhension des outils et facilite la bascule mentale de dire je vais être dans un simulateur, dans un module interactif, je vais trouver mes repères facilement parce que je suis joueur, et puis en plus ça va pas me gêner alors que quelqu'un qui aurait pas nécessairement une culture du jeu pourrait être mal à l'aise avec l'idée de se saisir d'un module interactif, pas seulement sur les outils techniques mais sur l'état d'esprit que ça peut impliquer aussi. Alors, comme le disait Bastien, les gens qui sont baignés dans la culture du jeu, parce que le jeu est assez bien représenté maintenant dans la société, ne sont pas forcément conscients qu'ils sont justement acculturés au jeu. Quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes joueur, il y en a plein qui disent non, quand on demande est-ce que vous jouez à tel ou tel jeu, il y en a plein qui du coup s'aperçoivent que bah oui, effectivement, ils jouent. Donc, mais ils ne considèrent pas que c'est être joueur, parce qu'il y a encore une espèce d'image d'épinal du joueur qui est un gros geek, c'est Cartman dans South Park devant son PC. Donc non, ce n'est pas que ça. Et du coup, oui, le côté acculturé au jeu est intéressant. Pour moi, il est quand même principalement intéressant dans le sens où les gens vont être habitués effectivement à l'ergonomie, à des choses comme ça, ont été habitués à l'ergonomie à travers le jeu. Donc ça c'est pour les gens qui vont devoir utiliser le jeu dans leur travail. Je pense qu'il est aussi très intéressant au niveau des décideurs, des gens qui mettent en place dans les entreprises des outils qui s'appuient sur la gamification, sur Salut Game, puisque le fait là pour le coup que eux soient acculturés au jeu fait qu'ils ont sans doute une lecture plus pertinente, c'est-à-dire qu'ils savent que un jeu ça peut servir à apprendre justement et que les techniques de jeu sont intéressantes pour apprendre, pour simuler, etc. Donc ils ont moins peur de l'objet jeu, ils le mystifient moins aussi. Avec un petit à côté de ces deux avantages-là, un défaut potentiel entre guillemets, plus les gens vont être habitués au jeu, plus les gens ils vont être sélectifs sur les jeux. En fait, c'est pas compliqué aujourd'hui on joue beaucoup sur mobile, mais la plupart des non-joueurs entre guillemets jouent en fait sur mobile. Pour prendre un exemple, sur l'App Store, il y a 500 jeux qui sortent chaque jour, enfin 500 applications qui sont majoritairement des jeux. Donc 500 par jour, ça fait juste beaucoup en fait. Ça veut dire qu'il y a une quantité astronomique de jeux qui sont au contact des gens. Pourtant, les gens jouent quasiment tous au même. Pourquoi ? Parce qu'ils vont jouer aux jeux qui sont les plus réussis, les mieux faits. Et ça se joue à plein de choses, hein. Ça se joue à une qualité graphique, ça se joue à une ergonomie, ça se joue à une narration, ça se joue à une structure de récompense justement bien faite, etc. Et cette culture de cette qualité-là fait que peut être un frein pour du serious game ou pour une gamification un peu maladroite, puisque si on se retrouve devant une ergonomie qui, elle, est pas parfaite ou mal faite, ça va pas jouer justement le côté je suis habitué au jeu, j'en fais aussi dans mon entreprise, c'est cool. Bah non, le jeu dans mon entreprise il est tout pourri parce que les jeux auxquels je suis habitué, moi ils sont bien faits. En même temps, les gens ils ont dépensé des millions pour les faire, donc dans certains cas, c'est pas le cas de tous les jeux, mais voilà, il y a une notion à la fois c'est bien parce qu'il y a une acculturation, à la fois c'est bien, ça peut être délicat parce qu'une acculturation a un certain niveau de qualité, notamment en termes de l'ergonomie et de qualité graphique. Mais je pense que le fait que ce soit dans le cadre du travail gomme ce problème-là, ou en tout cas fait que les gens ne s'attendent pas à jouer à Candy Crush au travail. Bah, ça gomme dans le fait où il y a, même si l'expérience est relativement austère parce qu'il y a eu moins d'attention, moins de moyens portés à la qualité de jeu, le fait que ça s'inscrive dans le parcours professionnel fait qu'ils sont forcés à y jouer. Donc il y a un petit côté contraignant, mais qui n'est pas si loin du côté contraignant qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. Où j'ai pu mettre par exemple à Candy Crush parce que tous mes amis y jouaient, ou une histoire du genre, et là la pression est en fait l'espèce de conformisme social qui va se poser aux joueurs et qui est pas très loin du conformisme professionnel que son employeur peut imposer en disant bah regarde, tous tes collègues se sont formés via ce jeu là, pourquoi est-ce que toi tu ne le ferais pas. Donc d'un autre côté, si on n'est pas sur des facteurs, pour reprendre un gros mot, endogènes, c'est-à-dire propres aux joueurs, on peut être sur des facteurs de pression externe qui font qu'à un moment ou un autre, il va franchir le cap parce que ça fait partie de la culture, parce que ça fait partie de l'écosystème dans lequel il évolue. Oui, donc moi j'allais rebondir sur ce que tu disais, Florent. En fait, tu parlais de culture de jeu, et en fait, j'étais en train de me dire, est-ce que ça ne devient pas le jeu ou cette ambiance entre guillemets joueuse ne devient-elle pas un argument de recrutement? Parce qu'on voit de plus en plus notamment les startups promouvoir une certaine ambiance, une certaine culture d'entreprise, avec ah tiens ce midi on a joué au baby foot, ah tiens après le boulot vendredi on a fait des origami, que sais-je. Et justement, est-ce que ce team building, cette manière de gérer le travail avec des éléments ludiques, ne devient-elle pas justement un argument de recrutement? Oui, certainement. Enfin, le côté l'ambiance dans les entreprises a toujours été un argument. Le jeu vient étayer la panoplie des arguments. Avant, c'était juste les qualités du CE. Maintenant, effectivement, la bonne ambiance a l'air de primer pour certaines personnes. Par contre, là, on ne parle plus de serious game. Quand on parle juste de l'utilisation du jeu comme outil de divertissement et du coup comme activité au sein de l'entreprise, comme activité parallèle au sein de l'entreprise, de la même manière qu'effectivement les gens peuvent discuter ensemble après le travail, des choses comme ça. Bon, là, on leur donne effectivement le jeu comme possibilité, soit sur la pause du midi, soit en dehors des horaires de travail, en marge des horaires de travail, etc. Oui, c'est un argument. Après, et oui, c'est naturel que cet argument soit utilisé de plus en plus. Parce que, comme le disait Bastien tout à l'heure, voilà, juste le temps avance et le jeu vidéo a maintenant pour plus de 40 ans, c'est plus un hobby réservé à une niche de techniciens un peu bizarres, c'est le quotidien de tout un chacun, et donc oui, c'est normal que ça investisse également le, je sais pas comment on appelle ça, le péritravail, comme ça. Après, il faut se demander aussi à quel point ça fait partie de la culture de l'entreprise. Pour ce que disait notamment Florent au début, l'usage du jeu dans une espèce d'image publique qui se reflèterait, qui ferait que on paraisse une entreprise innovante, on paraisse une entreprise jeune parce qu'on utilise le jeu. Et à quel moment c'est une démarche sincère où on a intégré les codes du jeu comme mode d'innovation, comme mode de collaboration, et qu'on n'est plus sur la question uniquement du paraître, mais vraiment sur la question du faire. Et là, on touche vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de la culture de l'entreprise, et qui est à quel point le jeu, ou du moins la culture influencée par le jeu, fait partie de son ADN. Oui, une boîte qui se contente de poser un baby-foot dans une grande salle et de dire que leur structure est trop cool, trop hype, et qu'il faut venir bosser chez eux. Effectivement, c'est pas juste ça. Et l'argument jeu n'est pas un argument imparable en soi. Il y a plus de travail que ça pour établir une culture d'entreprise dans laquelle le jeu est intégré. Ou pas d'ailleurs, mais... J'aurais voulu vous demander si le jeu, par son fonctionnement même, et je pense notamment en particulier au jeu coopératif, c'est pas un support idéal pour développer des compétences qu'on travaille assez peu dans un parcours scolaire, qui sont les compétences relationnelles. À l'école, on est quand même plutôt seul face à sa copie que dans un travail de groupe, alors que naturellement, dans un contexte d'entreprise, on est rarement isolé. C'est la plupart du temps un travail d'équipe. Et est-ce que le jeu, c'est pas un bon outil pour justement développer des compétences là où les gens sont pas forcément très très armés, enfin à moins de l'être naturellement. En tout cas, ils n'ont pas eu d'apprentissage spécifique sur la capacité à travailler en équipe, à se répartir des tâches, à avoir un suivi qui soit pas non plus du flicage. Si si, c'est pour ça que le jeu est utilisé depuis très longtemps dans les formations à ça, à la gestion d'équipe, à la gestion de projet, etc. Même avant le jeu vidéo, enfin voilà, les gens, les formations utilisaient des jeux de rôle, des choses comme ça. Si, bien sûr, le jeu est particulièrement adapté à ça, et oui, c'est et notre parcours scolaire ne le favorise pas plus que ça, et tout le monde n'est pas avec ces compétences-là ou avec ces habitudes-là, donc oui, le jeu est un... Et de par le fait qu'il y a besoin d'une interaction, quand on revient au principe même du jeu, qui est le concept d'interaction, de par le fait que ces compétences-là nécessitent une interaction entre le joueur et un système, mais aussi entre le joueur et les autres joueurs, oui, c'est ça qui les rend particulièrement adaptés à ce type d'apprentissage. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le jeu est un peu comme des séries ou des films. propose quelque chose qu'on appelle la suspension de la réalité, ou du moins la suspension de l'incrédulité, et qui fait que on sait qu'il y a un décalage, on sait qu'on est dans une espèce de parenthèse enchantée, où on peut se permettre d'essayer des choses, d'adopter des comportements, d'adopter des valeurs qui ne seraient pas forcément les nôtres, ou sur lesquelles on aurait été plus réticent à, entre guillemets, à se dévoiler si on avait été dans un contexte professionnel. Et le jeu, tout ça, fait que le joueur va peut-être plus se lâcher d'une certaine manière, peut-être plus se révéler dans ce qu'il peut être, qu'il n'aurait fait face à une mission professionnelle qui lui demanderait rigueur, ou du moins sur laquelle il y aura une espèce d'aura ou d'a priori qui fait qu'on ne peut pas trop faire n'importe quoi ou qu'on peut pas trop se révéler parce qu'il faut être, encore une fois, sérieux et que le jeu peut ne pas être sérieux. Oui, sur ses compétences sociales, le jeu, effectivement, est sans doute un bon désinhibeur pour les gens qui ne sont pas forcément très à l'aise initialement. Autre point que je note, et là, du coup, je me rends compte que c'est plus une remarque qu'une réelle question, mais ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis dessus, c'est que le jeu en entreprise pose aussi une compétence au niveau de la gestion du temps, en fait, parce que souvent, les jeux sont en temps limité, comme disait Bastien, c'est une parenthèse enchantée, entre guillemets, et donc ça oblige à gérer son timing, à gérer le temps consacré à telle ou telle tâche, ce qui peut paraître parfois un peu contradictoire avec le système français où souvent il est de bon ton de rester un peu après le patron pour montrer qu'on fait bien son travail justement. Qu'est-ce que vous en pensez justement sur cet apprentissage de la gestion du temps en plus des relations interpersonnelles? Je pense que c'est un peu ambigu la gestion du temps en jeu. À la fois, le jeu effectivement va demander des tâches timées qui vont peut-être stimuler une certaine gestion du temps, et à la fois le jeu c'est typiquement le genre d'activité dans lequel on oublie le temps et où on fait que ça et où on voit pas le temps passer. Donc je suis pas certain qu'il y ait une corrélation très forte entre un apprentissage de la gestion du temps et la pratique en tant que divertissement du jeu vidéo. Quant à ce qui est de rester après le patron en France, oui, le présentéisme, c'est une chose. Je ne sais pas si le jeu ou le serious game peut l'améliorer. C'était un peu dans l'idée, justement, que effectivement on voit pas le temps passer, or pourtant il y a quand même un temps limite de jeu, généralement. Alors j'ai cassé un peu notre numéro de Laurel Hardy avec Florent, où on se complétait jusqu'à maintenant, pour m'inscrire en désaccord avec lui, dans le sens où j'estime que le jeu peut permettre de créer ce qu'on appelle un sentiment d'urgence, et de faire que, alors notamment je pense à des formats de jeu assez particuliers, qui sont les formats de jeu qu'on utilise en session de créativité ou en session d'innovation, où on sait qu'on a un temps qui est très limité, qui va être de 1h30, 2h, voire 3h si on est assez chanceux, où on sait qu'on va jouer à un jeu, on va jouer à un rôle, pendant 2h à 3h, et que là, on a un temps très très limité pour se dévoiler, on a un temps très très limité pour atteindre nos objectifs et réussir à produire quelque chose. Et le sentiment d'urgence permet aussi de pas trop tergiverser d'une certaine manière, de prendre des décisions et, entre guillemets, de se bouger et d'arriver à un produit final, parce que jeu oblige, on a une règle à respecter, on a un objectif à atteindre, et ce sentiment d'urgence nous pousse un peu à sortir les tripes d'une certaine manière. Alors Bastien, tu nous as parlé à plusieurs reprises de l'usage du jeu dans un cadre d'innovation. Justement, tu citais là les idées de séances de créativité, séances d'innovation. Est-ce que tu aurais quelques exemples de jeux ou de structures de jeux qui se pratiquent dans ce genre de cadre? Alors, en créativité, il y a un format un peu roi qui a aussi sa notoriété peut-être par défaut, mais aussi peut-être par fainéantise d'imaginer d'autres formats, mais c'est le brainstorming. C'est on essaie de produire un maximum d'idées en très très peu de temps, on vise la quantité plutôt que la qualité, et on essaye de partir sur des idées folles. Et en matière de jeu, ce qui a été pour moi intéressant à apporter là-dedans, c'était le côté de la combinaison. C'est-à-dire qu'on arrive avec un jeu de cartes, on a différentes natures de cartes, on peut avoir des actions, des lieux, des personnes, et on fait des combinaisons un peu au hasard entre ces cartes-là, ce qui va nous donner une situation type, taillé sur mesure pour le sujet ou la question qu'on aborde, et ça nous sert de base à imaginer des scénarios, à imaginer des produits, à imaginer des services, et à répondre, entre guillemets, à la situation qui nous a été imposée par le tirage des cartes. Alors ça peut être un tirage des cartes qui est totalement laissé au hasard, ça peut être des espèces de kits ou des thèmes qui sont déjà préconstruits, mais on nous met dans une situation où on nous donne, entre guillemets, des cartes à jouer en main. On nous donne parfois même des bonus, si on veut reprendre vraiment la métaphore du jeu. Et c'est à nous d'en faire bon usage, en fait, pour arriver à surmonter et à répondre au challenge créatif qui nous est posé. Donc la combinaison des cartes, ou du moins les kits de cartes créés sur le format des jeux de cartes classiques à jouer, type Magic ou autre, et un format de créativité par le jeu, qui a été pas mal exploité. Aujourd'hui, on a des kits de cartes un peu pour tout et n'importe quoi, d'une certaine manière. Un autre format qui est aussi intéressant, c'est typiquement le jeu de rôle, aussi basique et aussi complexe qu'en même temps que ça puisse paraître, de jouer un rôle, d'incarner une autre personne que celle qu'on est vraiment, et de se demander quelle pourrait être la situation revue par ce rôle. Il y a notamment la théorie des six chapeaux qui a été développée, si je ne me trompe, par Edward Bono, qui prend un peu ce principe qu'on pourrait trouver inspiré du jeu, à savoir je joue un rôle qui n'est pas le mien et je dois défendre une position en incarnant un personnage avec tous ses attributs et attributs avec lesquels d'ailleurs je peux être en total désaccord. Donc ça fait partie des thématiques avec lesquelles, ou du moins des mécaniques avec lesquelles on peut jouer hors jeu vidéo pour essayer de stimuler la créativité. J'en reviens à ce que je disais pour la parenthèse enchantée sur le moment de suspension d'incrédulité. C'est aussi la grande force du jeu sur les sessions de créativité, c'est-à-dire qu'on s'extrait du quotidien, on s'extrait des contraintes que l'on sait qu'elles s'appliquent pourtant, pour essayer de trouver des thématiques ou des idées qui jusqu'à maintenant n'auraient pas pu poindre. Moi, j'avais une. Ça, c'est pas tout à fait une dernière question, parce qu'on a toujours une dernière question spéciale. Mais en tout cas, avec tout ce qu'on a dit, vous qui travaillez dans des domaines qui sont pas nécessairement de la gamification ou du serious game, on l'a bien compris, mais en tout cas qui pouvaient être amenés à travailler avec des entreprises, quelle perspective vous voyez à l'usage, à l'insertion du jeu ou des mécaniques ludiques dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce que vous imaginez qui est possible, probable, souhaitable dans les années à venir? On va faire un peu de prospective. Alors, la prospective, c'est le métier de Bastien, je vais le laisser continuer après. Mais moi, le premier truc que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que pour moi, au-delà du monde de l'entreprise, c'est dans le monde complet que le jeu va continuer de s'insinuer, en fait. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, le jeu vidéo est né il y a à peu près 40 ans et est en train de passer d'activité vraiment de niche à une activité culturellement admise, culturellement partagée par un très grand nombre, et ça va juste aller en s'amplifiant. Donc, pour des raisons économiques et sociales. Et du coup, le jeu, il va juste être partout. Alors après, de là à imaginer sous quelle forme il va venir s'intégrer au travail, bah là, effectivement, on peut faire de la prospective et imaginer des choses plus ou moins gaies sur l'avenir du travail gamifié. Mais je pense que, parce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur les écueils de la gamification trop littérale, j'imagine pas un avenir. À moins que la singularité arrive et qu'une intelligence artificielle nous mette tous au travail en gamifiant celui-ci de manière à nous contrôler, j'imagine pas que le monde du travail va se retrouver transformé en grand jeu un peu cynique et voilà. Donc je pense que oui, les techniques et technos du jeu vont continuer de pénétrer dans toutes les activités. Parce que ce sera de la même manière que l'écrit est passé partout, de la même manière que l'audiovisuel est rentré et utilisé à tous les niveaux et partout. Voilà, donc il est probable effectivement que le jeu puisse servir dans les entreprises. Alors j'en sais rien pour quoi faire exactement, mais là c'est Bastien qui fait de la prospective. Donc Bastien, à quoi servira le jeu dans les entreprises dans un demi-siècle? Je pense que je rejoins Florent là-dessus, ou dans le sens où ça peut apporter une grande transformation du jour au lendemain. Ça, on peut à peu près parier dessus. Il va y avoir des transformations peut-être plus subtiles, plus tacites et plus pernicieuses. Je pense notamment à tout ce qui est, par exemple, si on regarde des services comme Uber ou autre, où on a une économie en fait qui se base sur la réputation, l'économie de la réputation. Et l'économie de la réputation pourrait trouver un écho quasiment favorable dans le jeu, où lorsque vous êtes joueur, et notamment lorsque vous êtes joueur sur des jeux multijoueurs, votre réputation joue pour beaucoup. Donc entre guillemets, on pourrait avoir le système de gratification. Si on pousse la gamification à l'extrême de sa logique, le système de gratification qu'on a aujourd'hui à être un bon joueur pourrait faire qu'on ait le système de gratification d'être un bon travailleur. Je pense pas que ce soit un futur préférable, je pense pas qu'on ait la volonté d'être quantifié à tout bout de champ par rapport à ce qu'on fait vis-à-vis de son travail, parce que ça notamment abolirait tout droit à l'erreur qui est à mon sens fondamental lorsqu'on fait une activité professionnelle. Donc je ne sais pas si vraiment intégrer le jeu d'une manière très littérale aux pratiques du travail soit un futur préférable. Par contre, le fait que ça soit distillé par petites touches, le fait que ça imprègne la culture, qu'on s'inspire littéralement dans les codes de communication ou dans les codes de collaboration, de logique qu'on a pu voir dans des jeux en ligne multijoueur ou autre, ça me paraît assez naturel d'une certaine manière. Après, je sais aussi qu'il y a des travaux très intéressants qui se sont passés du côté des économies dans le jeu. C'est-à-dire que voir comment, par exemple, dans un jeu massivement multijoueur en ligne comme World of Warcraft, comment l'économie, les systèmes d'échange, les systèmes de commerce se passe et comment ils poussent que ces systèmes-là, système monétaire-là ou système financier, pourraient être transposés dans la réalité à des économies réelles. On a quelques expérimentations, ou du moins travaux de recherche intéressants qui ont été formulés à ce niveau-là. Je pense que peut-être que la subtilité et on va dire l'influence du jeu viendra plus de ses modèles économiques et de la façon dont il est capable de faire, entre guillemets, adhérer et acheter tout simplement des produits plus que sur la transformation interne de l'entreprise. Si on prend l'exemple, notamment des micro-paiements par exemple, qui peuvent se produire dans pas mal de jeux qui sont gratuits sur les plateformes mobiles, on est face à un type de commerce qui est totalement différent de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, puisque on va notamment être face à des modèles de jeux qui sont des pay-to-win. Donc à savoir, j'achète des bonus pour continuer d'avancer dans le jeu en tant qu'utilisateur pour pouvoir continuer, entre guillemets, le service qu'on me fournit, plutôt que d'acheter le service une bonne fois pour toutes et que je sois sûr de pouvoir l'utiliser sans avoir à remettre la main au porte-monnaie. Donc on est sur des logiques d'achat, des logiques de progression, des logiques d'usage qui sont totalement différentes, qui transforment aussi l'offre des entreprises, qui vont transformer aussi les interactions au sein des entreprises parce que elles n'ont pas à répondre à la demande, elles n'ont pas à offrir les mêmes produits qu'elles auraient pu offrir auparavant. Et c'est peut-être là où la subtilité de l'influence du jeu va, entre guillemets, influencer le modèle de l'entreprise. C'est pas tant dans son organisation directement interne, mais sur la relation qu'elle peut avoir à la manière dont elle vend des produits aux clients. Eh ben, en tout cas, ce fut une sacrée réponse et très précise. On va devoir écourter un petit peu ce podcast pour beaucoup de raisons techniques. On espère toutefois que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Mais il reste tout de même la dernière question traditionnelle de ludologie, à savoir, en ce moment, à quoi vous jouez? Alors, on va commencer par Florent. Oula, en ce moment à quoi je joue? Alors, en ce moment à quoi je joue XCOM 2 en ce moment. Mais pas que, mais XCOM 2 en priorité. Et moi je viens de finir Dying Light, qui est un FPS survival horror, qui m'a laissé un goût dubitatif où j'ai eu du mal à rentrer dedans pendant les deux tiers du jeu, et qui m'a vraiment charmé sur les deux derniers tiers. Et qui m'a donné une bonne leçon de, entre guillemets, devoir persévérer pour enfin apprécier la qualité de ce que peut révéler un jeu. Et donc, ce sera sur ce petit bout à mer, donc manifestement pour Bastien, que l'on va terminer ce podcast. On vous remercie encore, donc Florent de Grissac, cofondateur de Casus Ludi, et Bastien Kerspern, designer d'interaction, mais aussi chez Casus Ludi. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de Ludologie. Salut, salut!